Découvrez l'application Radio France. Écoutez vos radios en direct, retrouvez toutes vos émissions à la demande et les podcasts originaux des chaînes de Radio France. Salut votre docteur. Enfin, on retrouve Dedo. Tu nous avais manqué, Dedo, tout l'été sans entendre ta voix, c'était trop long. En tout cas, merci pour cette émission sur South Park. Moi, j'ai jamais regardé, même si c'est sorti alors que j'étais adolescente. J'ai jamais eu l'occasion de regarder. Ça m'a donné très envie. Voilà, passez un bon été. Merci, Blockbuster, pour cet épisode sur South Park. J'ai passé l'émission à me bidonner quand les intervenants racontaient les épisodes. C'est juste la meilleure série qui existe. En série française, qui reprend un peu le niveau extrême de South Park, il y a les Cassos. Et les Cassos, là aussi, ils vont trop loin, beaucoup trop souvent, et c'est ça qui est génial. Donc, regardez les Cassos pour ceux qui ne connaissent pas, si vous êtes un peu grand, hein, pas les enfants. Et puis, pour finir, vous n'avez pas répondu à la question ultime. Alors, sandwich au caca ou poire à lavement ? Avec ma compagne, on est sortis la semaine dernière. Si je vous en parle, c'est que passer 40 ans, quand t'as deux enfants, c'est une chose qui arrive aussi rarement que les éclipses solaires. À cela s'est ajouté le fait que nombre de salles de spectacle et autres cabarets sont restés fermés, crise sanitaire oblige. Vous comprendrez donc aisément que je me suis délecté de me retrouver dans un endroit où les humains célèbrent la vie avec de la musique trop forte, des alcools trop chers et des corps trop proches. Alors que la soirée battait son plein, j'ai aperçu derrière le bar un garçon qui m'a alors semblé bien jeune pour servir des shots de whisky à 2h du matin. Alors j'ai absolument rien contre le travail des enfants, je ne suis pas dans le jugement, mais je me suis laissé dire que le code du travail français demeurait très conservateur sur le sujet. Un ami qui travaillait dans ce célèbre cabaret des nuits parisiennes m'a alors rassuré en me disant que non seulement ce garçon était majeur, mais qu'il avait un parcours de vie incroyable. Né garçon dans un corps de fille, il avait fui les persécutions de son pays d'origine pour venir vivre la vie qu'il sentait être la sienne. Et en le voyant, le sourire aux lèvres, servant des verres tout en chantonnant des standards de la chanson française, Mylène Farmer, Thierry Hazard et autres Rita Mitsouko, dans un cabaret qui célèbre la liberté des genres et des identités sexuelles, je n'ai pu m'empêcher de me dire qu'il vivait là sa meilleure vie. Ça m'a mis les larmes aux yeux et j'ai réalisé que j'étais tout bonnement heureux qu'il soit heureux. En 2021, je me suis souvenu, même si on le dit plus assez, que le bonheur, quand il est cultivé, peut être lui aussi contagieux. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Sigrist. Never mind, I'll find someone like you. We could have had my album going to number one was the most amazing thing that has and ever will happen. For your debut album to go to number one, it was incredible. I let it fall, my heart. And the Grammy goes to Hello, Adele. Hello from the other side. Thank you so much. I'm gonna cry. You have my heart and sand in your hand. Let the sky fall when it crumbles. One more time. Il y a certains sujets dans Blockbuster que j'approche avec bien plus d'humilité que d'autres. Certains phénomènes mondiaux qui me sont totalement passés au-dessus de la tête pour mille et une raisons. Adèle en fait partie. Pas taper, pas taper, pas taper. Pourtant, ça fait 5 ans que je vois son nom apparaître en tête des ventes d'albums et de très très loin. Multi-récompensé, salué par ses pairs et par les critiques, avec une base de fans proprement hallucinante et d'une discrétion qui force le respect, je me suis dit, tiens, et si je faisais l'effort de découvrir l'univers d'Adèle ? Et là, surprise ! Je me suis aperçu que je la connaissais déjà sans même le savoir. Adele a enchaîné tellement de tubes qu'il est impossible de ne pas en connaître au moins un. Et pour retracer le parcours d'Adele Laurie Blue Atkins, de son vrai nom, j'ai avec moi Thibaut Carayol, bonjour. Bonjour Frédéric. Vous êtes le créateur du podcast Le Jour Pop, où chaque mois, un épisode revient sur un jour qui a marqué la pop musique et ses figures incontournables. Au programme Madonna, Britney Spears, Lady Gaga, Mariah Carey et bien sûr, Adele. Absolument. Avec nous également, et on est ravis, Véronique Chalmet, bonjour. Bonjour, bonjour. Vous êtes journaliste d'investigation, écrivaine et biographe. On vous doit notamment l'unique biographie française consacrée à la chanteuse Adele. Son titre, Hello It's Me, une vie d'Adele, aux éditions Hors Collection. On vous écoute également sur le podcast Scène de Crime. C'est exact. De retour, et on est très content aussi, Romain Burel, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste culturel et vous avez été notamment dirigé la rédaction du magazine Têtu. Oui, exactement. Quand c'était bien. Voilà, c'est dit. Ensemble, on va revenir sur la carrière de cette chanteuse britannique dont le talent n'a d'égal que l'humilité. D'où vient-elle? Quel est son univers musical? Qu'est-ce qui a fait d'elle ce phénomène de vente d'albums? Quels sont les liens qui la lient à sa communauté pléthorique de fans? Et surtout, qu'aime-t-il chez elle? Bref, on a une heure pour répondre à toutes ces questions. Blockbuster spécial Adele, c'est parti. Your love anymore. Rumor has it, extrait de l'album 21 sorti en 2011. Véronique Chalmet, première question. Où est née Adele? Elle est née à Tottenham, dans la banlieue de Londres, d'un père plombier gallois, d'origine galloise. Et puis sa mère Penny, a fait plein de petits métiers, plein de petits boulots, de femme de ménage à décoratrice d'intérieur. Et donc elle vient d'un milieu super modeste et surtout de quartiers où le melting pot, c'est la règle, parce qu'elle a vécu aussi à Brixton. Brixton, que les Clash ont chanté aussi, avec Paul Simonon. Et donc, elle a tout de suite été imprégnée d'influences jamaïcaines, de reggae, de toutes choses. Et puis, elle écoutait aussi beaucoup de blues, grâce à ses parents. Elle était à 5 ans à un concert de Cure avec sa mère. Son père l'avait surnommée Laurie Blue, à cause du blues. Donc, c'est dans ses gènes, quoi, dès le départ. Et est-ce qu'elle avait déjà des prédispositions pour la musique, ou est-ce que, parce que souvent dans les quand les parents comme ça ont une star très très jeune qui apparaît dans la famille, on se rend compte que eux-mêmes poussaient un petit peu pour favoriser ça. Est-ce que c'est elle qui est allée d'elle-même, ou est-ce que les parents étaient un petit peu tu devrais transformer ces bribes de talent que tu as en toi? Bah en fait ils lui ont fait écouter beaucoup de musique, mais elle dès le début elle a complètement craqué pour aussi la chanson, le chant d'abord. Alors comme toutes les gamines, elle prenait sa brosse à cheveux et puis elle chantait. Elle faisait des spectacles improvisés pour ses parents, pour ses copines, dès l'âge de 8-9 ans. Elle imitait les stars pop de l'époque. Et puis, elle a été aussi fortement impressionnée par le girl power des Spice Girls. Donc, ça a été tout de suite... En fait, c'était vraiment sa culture, quoi. Et puis, c'est vrai qu'en plus, elle s'est découvert une super voix. Un jour, son père lui a offert un magnéto avec un micro. Elle devait avoir 10-11 ans à peu près. Et là, elle a entendu sa voix enregistrée et ça a été un déclic. Et elle s'est dit, je veux faire ça, je veux chanter. C'était tout de suite à son esprit. En plus, à l'école, ça marchait pas trop fort. Donc, c'était la voix royale pour elle, quoi, dès le début. Donc là, vous avez dit que les Spice Girls avaient notamment été une source de motivation. Mais est-ce qu'elle a eu d'autres inspirations, d'autres artistes pour lesquels elle avait un amour inconditionnel et qui l'ont emmené à embrasser cette carrière? Il y a eu Nina Simone et puis il y a eu aussi beaucoup les Beatles. Plus tard, elle va rencontrer son idole, c'est-à-dire McCartney. Elle sera assise à côté de lui. Ça sera un rêve absolument génial pour elle. Et puis aussi, elle va aller à la Brit School en 2002, qu'elle intègre en 2002. Et en fait, la Brit School a pour parrain George Martin, donc voilà, le producteur des Beatles, qui vient régulièrement à l'école d'ailleurs, qui est très présent là-bas. Et, oui, parce qu'il ne s'est pas contenté de donner son nom, c'est-à-dire qu'il s'implique... Oui, il s'implique, il va voir les élèves, il les encourage, donc c'est quelque chose de tout à fait concret quoi, pour elle. Et puis aussi, l'année où elle rentre à la Brit School, il y a Amy Winehouse qui sort son premier album. Quoi. Donc bah voilà, les étoiles s'alignent en quelque sorte. Romain Burel, vous avez découvert Adèle à quelle occasion ? Oh, dès le premier album, je pense, en fait, 19. Tout de suite, ce qui me plaît, c'est que, évidemment, on parlait d'Amy Winehouse tout à l'heure, on n'est pas très loin, Kate Nash aussi, il y a toute une scène comme ça, en Angleterre, de filles qui font une espèce de folk. Dans les années 60, on aurait dit la blue-eyed soul, la soul aux yeux bleus. En gros, c'est une façon polie de dire qu'on pique la musique des Noirs, notamment des Afro-Américains, et qu'on la chante en étant bien blanc. Excusez-moi. Mais elle est capable, donc, d'envolées lyriques incroyables, etc. Puis elle est capable aussi de se frotter à des monuments de la chanson, comme des chansons de Bob Dylan. Elle reprend sur son premier album une chanson qui s'appelle To Make You Feel My Love de Bob Dylan, qui est une chanson tardive de Bob Dylan, et elle en fait une meilleure version. Excuse-moi Bob, mais la version d'Adèle est meilleure que la tienne. Alors il écoute Blockbuster voilà. Elle chante moins comme un essaim d'abeille déjà, donc forcément, mais elle est bouleversante pour ça. Et elle a un pied dans la pop la plus mainstream. On sent déjà poindre chez elle quelque chose. Alors les gens vont hurler, mais un petit côté Céline Dion chez elle. Et puis il y a aussi un autre pied qui est dans le folk, voilà, un peu soul, voilà. Donc c'est sûrement cette chimie là qui va faire que tout le monde peut tomber amoureux de son Adèle. C'est elle réunit un public, je vais pas dire de 7 à 77 ans comme Tintin, mais c'est quasiment ça. Quand vous allez la voir en concert, vous êtes assis à côté des gens qui ont 60 ans, 60 facilement, et puis des gamines de 16 ans qui sont fans d'elle, quoi. Alors à chaque fois que j'organise une musicale dans Blockbuster, j'ai toujours une angoisse. Quelle chanson diffuser dans son intégralité ? Parce que je sais qu'il y aura toujours un auditeur pour me dire « J'en aurais préféré une autre, plus connue, moins commerciale, un duo insolite enregistré sur un album pakistanais diffusé à 4 exemplaires. » C'est pourquoi il me semble utile de vous rappeler que vous pouvez en toute liberté, mais aussi en toute quiétude, écouter la chanson de votre choix chez vous, sans même entendre mon irritante voix. Mais en attendant, en consensus avec moi-même, je me suis dit qu'on allait écouter Rolling in the Deep, extrait de l'album 21, sorti en 2011. See you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out the dark. The scars. Rolling in the Deep dans Blockbuster sur France Inter. Skyfall, le thème du James Bond du même nom. Véronique Chalmet, elle a sorti son premier album très très tôt. D'ailleurs, l'essor de MySpace, pour les plus âgés de nos auditeurs, a été déterminant dans le succès de ce premier album. Oui, tout à fait. C'était la démo qu'elle avait faite pour son école, pour la Brit School, pour être diplômée. Donc c'était sa première année. Ah oui, enfin non, elle était en troisième année, de Brit School. Et puis ses potes lui ont dit, mais vas-y, tu mets tes morceaux sur MySpace. Et, enfin, c'est eux qui l'ont encouragé, ce qu'elle a fait. Il y avait 3 morceaux, je crois. Et puis finalement, ça a été entendu par les gens de chez XL Recordings, enfin par un talent scout, et voilà. Et puis, quand ils lui ont donné le rendez-vous la première fois pour venir parler d'une éventuelle signature chez eux, elle était tellement incrédule qu'elle a fait venir un pote parce qu'elle croyait qu'elle avait affaire à un pervers qui voulait l'embobiner. Donc, et puis voilà, et puis tout est parti de là parce qu'ensuite, évidemment, c'était des gens très très sérieux. Ils lui ont donné pour manager le petit-fils d'un des fondateurs du NME, New Musical Express, qui lui-même avait été manager de Dylan, qui avait été manager de plein de gens comme ça. Donc elle a été déjà prise entre de très bonnes mains. Puis ensuite, elle a eu le bon goût, parce qu'à la Brit School, elle avait appris à la fois à lire un contrat, à faire des décors, à jouer de divers instruments. Donc elle savait tout faire de A à Z et elle est très control freak et donc elle a voulu tout maîtriser dès le début, ce qu'elle a fait. Par exemple, en prenant à chaque fois plusieurs producteurs sur ses albums, ce qui fait que elle pouvait choisir, mener les choses à sa guise quand même, quoi. Donc c'est quelqu'un de à la fois très futé et puis débrouille, quoi, en fait. Mais je crois qu'au départ, elle se destinait pas à devenir elle-même. Chanteuse, elle voulait plutôt être du côté de ce qu'on appelait A&R, c'est-à-dire artistique et recherche, c'est-à-dire plutôt développer des artistes et des talents, plutôt que d'elle-même être chanteuse. Donc en fait, le sens du contrat, savoir comment c'est foutu, comment on lance une carrière, etc., elle l'a appris à l'école, quoi. Ouais, tout à fait. Mais en même temps, et puis elle voulait pas, elle a jamais voulu être réifiée et elle a toujours, par exemple, elle ne veut pas, en tout cas jusqu'à présent, produire des marques de parfums, faire des choses en fait qui soient uniquement du merchandising. Elle préfère s'en tenir à sa carrière artistique et à ce qu'elle sait faire, c'est-à-dire de mieux, c'est-à-dire la composition, quoi, quand même. Et donc son premier album s'appelle 19 parce que c'était l'âge qu'elle avait quand elle a écrit ses chansons. Est-ce que dans l'histoire de la chanson britannique, il y a déjà eu des précédents avec des artistes aussi jeunes et qui cartonnent aussi jeunes surtout? Par exemple, on a eu Amy Winehouse, effectivement, dont on parlait tout à l'heure. Et puis Ed Sheeran aussi, qui a fait plus fort qu'elle, plus vite, plus tôt. C'est vrai que le succès d'Amy Winehouse a aussi été un tremplin pour elle. Voilà. Parce que Amy Winehouse, elle sort son premier album vers 2004, quelque chose comme ça. Back to Black, c'est 2006. Et à ce moment-là, les maisons de disques veulent des voix à la Amy Winehouse. Ils veulent développer ça, un style un peu soul, mainstream. Et Adele arrive 2 ans après avec 19. Et c'est un peu tragique, mais au moment où Amy Winehouse meurt, en 2011, c'est le moment où Adele explose. Voilà, il y a eu une espèce de transfert c'est vrai comme ça. Elle remplace dans le cœur peut-être des Anglais et peut-être même du public mondial un peu la place qu'Amy Winehouse occupait jusqu'à présent. Il fallait il y a un vide à combler et qu'elle a comblé un petit peu assez admirablement. Ouais. Mais d'ailleurs oui, elle le dit dans beaucoup d'interviews que ça a vraiment été un choc. Au-delà même d'une consoeur. Elles ont un peu le même parcours. Hein. Je veux dire, elles viennent d'un milieu très pauvre. Le père d'Amy Winehouse était conducteur de taxi. Lui, pour le coup, l'a beaucoup poussé vers le jazz, etc. Ouais. La chanson peut être un moyen de s'extirper d'un milieu très working class. On le sait depuis John Lennon. Hein. On a fait une émission sur Oasis, et effectivement. Et ben voilà, c'est typiquement le avoir un beau brin de voix peut vous amener très très loin, que ce soit en Angleterre ou aux États-Unis. Et effectivement, elle a réussi à s'extirper d'un milieu qui n'était pas évident. Et le parallèle, il est hyper facile à faire avec Amy Winehouse. On lui souhaite d'ailleurs de ne pas avoir la même vie, et d'ailleurs elle a été assez soulagée quand elle a dépassé le fameux âge des 27 ans, en se disant bon, bah, ça y est, je suis passé de l'autre côté quand j'ai eu 28 balais. Fameux club des 27 ans qui fait qu'en général, quand on est un artiste très connu trop vite, et qu'on a un certain goût pour les excès, de Janis Joplin à Brian Jones, en passant par Amy Winehouse, on ne dépasse pas les 27 ans. Elle, le jour de ses 28 ans, paraît-il, elle a eu une espèce de soulagement en se disant « ça y est, maintenant, enfin, je vais pouvoir ouvrir un chapitre de ma vie » en me disant « je ne vais pas forcément tomber dans quelque chose de... » Elle avait la crainte aussi de tomber dans cette autodestruction qu'a eu Amy Winehouse. Le succès trop vite, les excès, etc. Et elle a réussi à s'en sortir. Et sur l'album 19, est-ce que vous avez une chanson qui vous a parlé plus que les autres? Quand elle reprend To Make You Feel My Love de Bob Dylan, c'est incroyable. Parce que reprendre du Dylan et faire mieux, c'est quand même assez rare. C'est une chanson parfaite et elle l'a fait sienne, quoi. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'elle la chante comme si c'était elle qui l'avait écrite. À tel point que moi, j'ai découvert que c'était une reprise après. C'est vraiment une chanson d'Adèle, quoi. Elle l'a fait sienne, oui. Et donc, elle la même aussi, Thibaut Cariel? C'est peut-être Hampton Glory, je pense. J'aime bien. Véronique? Oui, moi, c'est de là aussi. Qu'est-ce que je peux dire? Je les aime toutes, quoi. Donc, elles sont touchantes. Et puis, on sent que c'est d'une sincérité absolue et totale. Ça donne la chair de poule. Il y a certaines de ses compositions qui sont sur cet album qu'elle a écrit. Elle avait 16 ans, quoi. Ouais. C'est quand même assez dingue de dire ça. Et comment Adèle a été accueillie sur le marché américain? Parce que là, on parle vraiment d'une réussite qui est singulière à la Grande-Bretagne. Et ensuite, il y a ce moment où on part à la conquête du marché américain. Donc, comment ça s'est passé, son arrivée là-bas? Ben en fait, au début, ça s'est pas si bien passé que ça, parce que d'abord, elle était mal elle-même parce qu'elle était en pleine rupture. Donc, c'était une époque où elle fumait beaucoup, elle buvait beaucoup, elle tournait beaucoup, à travers tous les États-Unis, et elle était super fatiguée. Elle mangeait aussi énormément de cochonneries, de junk food. Donc, c'était pas top. Mais en fait, ce qui lui a fait gagner du public aussi petit à petit, c'était les showcases qu'elle faisait, donc devant des petits groupes. En fait, de spectateurs, où elle s'imposait parce que bah, là, elle a tout de suite un contact immédiat avec son public. Donc, de fil en aiguille, ça s'est arrangé. Et puis après, quand elle a fait des grands shows comme Saturday Night Live, bon, bah, évidemment, ça a décollé. Quoi. Là, il a eu un coup de chance, on va dire, l'alignement des planètes. C'est-à-dire que, comme dit Véronique, bon, ça marchait pas, ça explosait pas autant qu'en Angleterre. Et elle est programmée pour faire SNL, le grand rendez-vous du samedi soir. Et ce soir-là, c'est l'invité, c'est Sarah Palin, qui était candidate à la vice-présidence américaine, très controversée, conservatrice, républicaine. On fait sourire aujourd'hui quand on voit que c'était le personnage le plus dangereux de la politique américaine à l'époque. Ouais. Comme quoi, il faut toujours se méfier. Carton d'audience, je crois qu'il y a presque plus de... 14 millions de téléspectateurs qui sont là. C'était la plus écoutée, voilà. Je crois. Depuis quasiment une quinzaine d'années. Et elle chante. Elle est invitée musicale et son album cartonne dès le lendemain sur iTunes. Mais super honnêtement, elle a pas tant que ça bossé les États-Unis. Parce que c'est un continent, hein, ce marché. Il y a 50 États, il faut les faire un par un. Il faut se taper les college radio. C'est très, très, très dur. Il y a plein de groupes qui se sont cassés les dents, des clashs à Oasis, qui n'ont pas réussi à conquérir le marché américain. Hein. Sam Smith, quelques années plus tard d'ailleurs, qui est un des héritiers d'Adèle et d'Amy Winehouse, lui va vraiment se cogner le continent de en long, en large et en travers. Adèle, j'ai presque envie de dire que ça va lui tomber tout cuit dans le creux de la main, et que en plus, quand elle foire sa tournée, elle s'arrête. Elle fait pas tant que ça d'efforts finalement pour conquérir ce marché qui est réputé être très très difficile. Et est-ce que justement, c'est pas cette proximité des chanteuses à voix dont vous parliez en début d'émission avec Céline Dion, qui a déjà un petit peu défriché ce public, qui fait qu'il y avait une appétence aussi pour... Ou Amy Winehouse, qui avait déjà eu aussi beaucoup de succès aux États-Unis et qui a une tradition. C'est vrai qu'on parlait tout à l'heure rapidement de la Blue-Eyed Soul, mais de Tom Jones à Dusty Springfield. Donc les Américains adorent s'enticher d'une star anglaise dans les années 60. On appelait ça la British Invasion. Donc voilà, il faut qu'il y ait une anglaise quand même dans le top 10. Sinon, c'est qu'il y a un problème. Il y a des liens très forts entre ces deux pays. Mais effectivement, la puissance de sa voix, le fait que ce soit des chansons de rupture amoureuse, le premier public que vous devez conquérir, c'est un public adolescent. Toujours, la musique, ça reste que vous soyez Beyoncé, Drake ou Adèle, il faut d'abord que vous allez conquérir le cœur des adolescentes, d'ailleurs, parce que c'est elles qui consomment le plus de musique, c'est elles qui sont les plus frénétiques sur Spotify et qui écoutent 150 fois la même chanson. Et pour le coup, quand vous vivez votre premier chagrin d'amour et que vous avez le droit de pleurer sur Someone Like You, parce que la chanson vous parle exactement à ce que vous êtes en train de ressentir, bah effectivement, ça vous tire vers l'hystérie de l'écouter en boucle et d'avoir envie de la rencontrer, quoi. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Hello from the other side. I must have called a thousand times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call, you never seem to be home. Hello from the outside. At least I can say that I'm trying to tell. Hello, how are you? It's so typical of me to talk about myself. I'm sorry. I hope that you're well. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us running out of time. So hello from the other side. I must have called a thousand times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call, you never seem to be home. tiré de l'album 25 sorti en 2015 et qui est également le titre de tous les records battus, c'est-à-dire records de vues. C'est un phénomène cette chanson. Oui, je crois qu'elle avait fait plus fort que Star Wars 7 quand. Non, mais c'est un truc de malade. C'est-à-dire que les gens ont plus regardé le clip que la bande-annonce de Star Wars. Alors, les fans de Star Wars disent oui, mais c'est normal, c'est la post-logique, donc c'est normal. Mais quand même, c'est hallucinant. Et au bout d'un moment, quand on a une puissance telle que tout d'un coup, on mobilise toutes les industries qui fabriquent des vinyles sur la planète, où on sort un titre, un clip, qui est le clip le plus vu devant Psy et le Gangnam Style, comment on se sent et comment on fait pour rester normal? Parce que là, on a affaire à une femme qui, du coup, a plus de pouvoir que presque énormément de politiciens en termes de rayonnement culturel. Quand Hello sort, ça embarque tout sur son passage, ça tombe en rotation lourde sur toutes les radios du monde, et effectivement, ça explose les compteurs sur YouTube. Parce qu'il y avait une énorme attente aussi, c'est le disque qui a succédé à 21 et à Skyfall aussi, qui a été un blockbuster. Ah oui, il a d'ailleurs eu l'Oscar de la meilleure chanson. Il faut savoir que quand maintenant Adele sort un album, les maisons de disques concurrentes sont aux aguets, c'est-à-dire que il faut surtout pas avoir de disque en face d'Adèle parce qu'on va se faire rétamer. Voilà, tout simplement. Et donc il y a des agendas qui se bloquent. Je parle des usines, mais aussi des sorties. Pour sortie, Taylor Swift a avancé la sortie de son album pour pas être confronté à Adèle. On parle de Taylor Swift qui est aussi un blockbuster de la musique, quoi. Et comment elle le vit après, comment elle le gère? Bon, je pense plutôt bien, mais parce que tout est très marketé aussi derrière. Tout est très pensé, tout est très très anticipé. Voilà, un album d'Adèle, elle en sort un tous les 5 ans, mais celui-là, il est prêt depuis, je pense, un an. Oui. Voilà. Alors depuis le début de cette émission, on a tous des étoiles plein les yeux lorsque l'on parle de la chanteuse Adèle, et c'est mignon. mais il y a aussi sur cette terre des gens, Adèle, ils n'aiment pas. Je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. C'est nul. Non, pas terrible. Zéro. C'est de la merde. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà. Comment dire, j'ai du mal à tenir jusqu'au bout, pour tout dire. Je trouve qu'elle gueule vraiment de plus en plus. C'est quand même Céline Dion, peut-être un peu moins québécoise, mais il y a quand même ça. Avec la voix légèrement éraillée, enfin tous les clichés possibles, inimaginables de la chanteuse à voix. Dans l'ensemble, je trouve ce disque assez pénible, assez assez ingrat finalement. Pour les gens qui aiment pas les divas comme ça, c'est très difficile à écouter en tout cas. Un mauvais moment à penser. C'était un extrait de l'émission La Dispute lors de la sortie de l'album 25 d'Adèle, et vous venez d'entendre un Christophe Comte pas très séduit. Non, mais je le comprends totalement, parce que je vois ce qu'il aime pas chez elle. C'est effectivement ce côté Céline Dion qui est présent. Chanteuse à voix, piano-voix, brailleuse, pour pas dire gueularde, sur certaines chansons. C'est vrai, quand il dit qu'il y a un petit côté chanteuse québécoise, on peut l'entendre, mais il n'y a pas que ça. Chez elle, d'abord, les albums sont assez bien fichus, parce que tout le monde peut y trouver son compte. Ma mère peut y trouver son compte, moi je peux y trouver mon compte, et ma petite sœur aussi. Et c'est pas donné à tout le monde, c'est pour ça qu'elle en vend autant. C'est qu'en fait, elle a plusieurs publics qu'elle peut conquérir, en fait. Et Véronique Chalmé, le mot-clé qu'il a prononcé, c'est diva aussi, quoi. Et il reconnaît lui-même que c'est une diva. Et c'est vrai que, elle entretient ce glamour-là en dehors de donc des moments où elle discute avec ses fans sur les réseaux sociaux et où elle se montre sans maquillage, où elle passe inaperçue, où elle a ses bigoudis, où elle parle de tout et de rien. Et quand elle est sur scène, elle est totalement éclatante et elle entretient une image un peu à la façon des anciennes stars d'Hollywood, quoi. C'est-à-dire qu'elle est cinglée dans ses fringues. Mais vous disiez hors antenne. Dans une discussion avec Romain Burel, que ça rappelait un petit peu la manière dont Laura Jean avait créé le personnage Norma Jean. Pour moi, c'est exactement ça. C'est-à-dire que Adèle, c'est un effet spécial. C'est comme ouais. Marilyn Monroe, où on parlait de Dusty Springfield. Amy Winehouse, aussi, avec ses yeux à la Cléopâtre, ce chignon absolument gigantesque, c'est un personnage, si vous la voyez au réveil et qu'elle est démaquillée, vous la reconnaissiez pas dans la rue. Adèle, avec un contouring, des yeux en amande et des heures, je pense, de maquillage. Je pense qu'il y a toute une province. Les coiffures aussi, hein, les choucroutes. Ouais, voilà. Qui font que apparaît un personnage qui est un personnage créé, j'ai presque envie de dire, de toute pièce. D'ailleurs, les quelques images de Paparazzade voler les tabloïds anglais à Dorsa, donc où on la voyait notamment un peu après la naissance de son enfant, on la reconnaissait pas, quoi. Elle était méconnaissable, quoi. Quand elle s'est pas dessinée sur cils, vous savez pas que c'est Adèle, quoi. Alors, son modèle, c'est Etta James, donc avec les yeux de biche, quoi. Mais c'est vrai qu'elle a découvert ça quand elle était ado, et c'est ce personnage-là qu'elle s'est créé, quoi. Thibaut Carayol, sur l'aspect diva, sur parce que c'est aussi des réactions que j'ai eues quand j'ai annoncé que j'allais faire un blockbuster sur Adèle. J'ai toujours eu le MC gardien du temple de la musique qui m'a dit « Non, mais attendez, c'est commercial, c'est de la soupe, etc. » Donc, que dire par rapport à cette vision d'Adèle? C'est commercial, oui. Après... Moi, vous m'aviez invité pour parler de Mylène Farmer. Vous m'avez demandé quelle était la raison du succès incroyable de Mylène Farmer. Je vous avais répondu à la sincérité, et je pense qu'Adèle, c'est la même chose. C'est-à-dire que des fois, elle se montre sans maquillage, même. Mais au-delà du maquillage, elle se montre dans ses réactions, même, sans filtre. Oui. Et sur scène, moi, j'ai eu la chance de la voir en concert. C'était en 2016 à Bercy, et. Elle a des moments entre les chansons où en fait elle sort totalement de Depressive Spice, comme j'ai dit tout à l'heure, pour être vraiment la bonne copine anglaise avec qui on a envie d'aller au pub. Et elle dit bon allez, on va encore faire une chanson pour pleurer, mais promis après on fait une chanson pour danser. Et voilà, elle a ce rapport là qui fait qu'elle est aussi très attachante. Et de toute façon. Quand on triche pas, c'est aussi la raison du succès. Mais c'est d'ailleurs une des rares personnes que j'ai vu aussi recevoir des récompenses pour certains de ses albums, et qui, lors de sa prise de parole, passe beaucoup plus de temps à dire « Mais en fait, l'album qui méritait de gagner, c'est celui de Beyoncé, Lemonade... » Ça a été tout un sujet. Quand elle a gagné le Grammy de l'album de l'année pour 25, elle était en concurrence avec Beyoncé, qu'elle adore, et elle s'est excusée auprès de Beyoncé, sur scène, d'avoir remporté le prix. Et là, elle a fait une interview récemment pour Vogue où elle explique les raisons de cette excuse publique. Et elle dit qu'elle a été voir Beyoncé en coulisses, qu'elle lui a dit que... je dis pas que l'Académie des Grammy est raciste, mais c'était un peu ce qu'elle disait. C'est que Lemonade avait été un album très important pour une partie... Très engagé. Très engagé, surtout. Un album visuel, vraiment un blockbuster aussi. Hein. Oui, c'est aussi un petit peu l'album où beaucoup de critiques ont dit que Beyoncé revendiquait ou rappelait à tout le monde qu'elle était noire et qu'il fallait pas l'oublier. C'était ça. Et les Grammy ont choisi un album plus sage, si je puis dire, qui était 25. Et Adèle s'est montrée une fois de plus sans filtre. Elle a dit « Non, je mérite pas. Beyoncé a fait un meilleur album que moi. » Et c'est ce qui fait qu'on se dit... finalement, elle est sincère, elle est honnête. Donc voilà, effectivement, c'est une diva, mais une diva honnête. Alors, l'album 19, hein, on va remonter un petit peu dans le temps, pour l'album 19, elle a été félicitée par le Premier ministre britannique Gordon Brown, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, elle a même quitté le royaume des stars de la musique pour devenir carrément une sorte de soft power anglais et de fer de lance d'une culture britannique. Comment on explique ça? Un des derniers premiers ministres travaillistes britanniques, du coup ce parcours de working class jusqu'au sommet, c'est quelque chose qui est quand même assez valorisable, et ils sont pas idiots, les politiques britanniques. Ils savent à quel point la chanson pop, c'est du soft power. On l'a vu notamment pendant la cérémonie des JO, on a vu toute cette musique anglaise qui a abreuvé le monde pendant 50 à 60 ans aujourd'hui. Donc c'est hyper important en Angleterre que la culture soit soutenue. récemment, Elton John, en parlant du Brexit, disait que l'un des points qui a été le plus négligé au niveau politique par le gouvernement était la culture au profit des pêcheurs. Ça lui semblait aberrant, parce qu'il dit, quand je me balade dans le monde et qu'on part en tournée, la puissance de l'Angleterre aujourd'hui, c'est notamment la musique. Adèle, c'est évidemment bien, mais il faut aussi des fois donner sa chance à la playlist. On écoute Tamino qui nous interprète Fascination. I like the colors reflected in your eyes when you look up to the sky. To me, they don't seem to appear. And I didn't cry for that flamingo stuck in the sword. Didn't care for it at all. While you couldn't hold your tears. Your fascination's always fascinated me. You make it harder to believe that I was ever really here. I try not to understand, just try not to understand. For I've seen enough to know where you can't prove me wrong. No. Those modest sayings that mean so much to you, with me they've never gotten through. I've always needed bigger words, but none of your colors can be found within the lines of the pages I made mine. C'était Fascination de Tamino. Blockbuster, Frédéric Sigrist, sur France Inter. Et alors, il y a aussi cette évolution qui s'est fait de l'album 21 à, en passant par 25 et 30. Alors, vraiment, je remercie la facilité avec laquelle je peux retrouver les titres d'albums. Merci Adèle. Pour les gens comme moi, c'est très simple. Mais il y a aussi son parcours de femme. Qu'elle est aussi une des rares à assumer, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, quand elle reçoit un prix, parle de sa grossesse qu'elle n'avait pas forcément anticipée et qui ose dire, et à mon sens, c'est quelque chose d'assez moderne, que ça n'est pas simple d'être mère, C'est pas dans un pays en plus, l'Angleterre, où il y a beaucoup de très jeunes femmes enceintes. Je crois que c'est un des pays d'Europe où l'âge de moyen du premier enfant est le plus bas. Mais ça, c'est aussi peut-être un héritage d'Amy Winehouse. C'est-à-dire le côté Amy Winehouse racontait assez ouvertement ses problèmes de drogue et ses problèmes de mec. Moi, du coup, je souhaite pas à Adèle d'être heureuse dans la vie parce que j'ai peur que si jamais elle est pas trop bien, on se tape. Mais c'est d'être une vraie trouille en fait. On se dit qu'on doit être fatalement malheureuse. Pour pouvoir continuer à écrire, parce que le jour où vous allez bien, vous écrivez plus rien. Il y a quelque chose d'assez vicieux aussi, c'est que quand on a appris qu'elle avait divorcé là, il y a 2 ans, quelque chose comme ça, la dit yes. Mais oui, la première réaction sur les réseaux sociaux, c'était de dire on va avoir un super album. Et c'est assez tragique, mais. Non mais c'est du coup ça amène des relations très bizarres. Écoute, on est bien ensemble, mais je crois que je vais te quitter parce que. Mais là, la grosse hype de l'album, c'est que c'est un album sur son divorce. Mais quand elle s'est mariée, elle a formulé cette crainte-là. C'est-à-dire que elle a dit que elle s'apprêtait à être heureuse, mais qu'elle n'avait pas le mode d'emploi, qu'elle ne savait pas trop comment ça allait se passer, et que en fait, elle avait peur que ça tarisse son talent artistique. Voilà, il y a une évolution, c'est-à-dire que là, elle a fait beaucoup d'interviews et ce qu'elle a expliqué, c'est que maintenant, le problème, avant, elle était plutôt dans tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, je vais me venger, voilà, je vais faire foutre le feu à la pluie, et voilà. Non, aujourd'hui, elle est plus dans si finalement le problème venait de moi, et si finalement je pouvais grandir moi-même, être plus mature sur des sujets sentimentaux, parentaux, etc. Et donc, ce qu'elle explique, c'est que oui, c'est un album sur un divorce, mais c'est le divorce avec elle-même. C'est comme ça qu'elle le vend, celui-là. Mais elle parle d'auto-destruction, auto-rédemption, enfin. Et on sent qu'elle a effectivement centré sur elle-même, tout en disant qu'elle veut expliquer aussi à son fils Angelo. À son fils, qui a une dizaine d'années, pourquoi elle a divorcé. Il y a un mème sur Twitter qui est « Pourquoi maman a divorcé ? Écoute la chanson 5. » Ce sera. Et puis, d'ailleurs, se pose... j'ai lu aussi que sur ce divorce... Adèle représente aujourd'hui une énorme fortune mondiale et il n'y avait pas de contrat de mariage. Mais elle entretient son ex-mari. Elle a acheté. Elle vit à Los Angeles maintenant. Elle a justifié ça en disant que c'était trop cher d'habiter à Londres. Bon. Ce qui n'est pas faux, hein, parce que. Oui, ouais, enfin, si Adèle dit ça, vraiment. Voilà, c'est que vraiment. C'est trop cher, Londres. Et donc, elle a acheté deux petites maisons adjacentes. Elle vit, elle, dans une maison, son mari, son ex-mari dans l'autre. Comme ça, leur fils peut aller d'une maison à l'autre. Mais ça, c'est des problèmes très contemporains. La garde alternée, etc. Ça parle à beaucoup de gens. Et de se dire qu'une semaine sur l'autre, on doit être pas très loin l'un de l'autre pour... Après pouvoir acheter une maison pour avoir les moyens, effectivement. Son ex-mari. Mais mais c'est vrai qu'on lui souhaite pas d'être heureuse, du coup. Ou alors de enfin, vous lui souhaitez pas d'être heureuse. Hein. D'être capable d'aller puiser en elle, en tant que parolière, des histoires plus matures, plus profondes que simplement des histoires de rupture amoureuse. Pas forcément les siennes, d'ailleurs. C'est ce qui est très intelligent avec cette idée de faire des chiffres et d'âge pour les noms d'albums, parce que on la suit, et puis on peut se reconnaître aussi dans des parcours de vie, en disant, voilà, à 21 ans, j'étais plus comme ça, et ça me parle plus, à 25 ou à 30. Et elle avait dit normalement que c'était une trilogie, 19, 21, 25, que le quatrième serait pas comme ça. Finalement, elle est revenue sur sa décision en disant, on fait tous des erreurs, et j'ai appris, enfin, on fait pas des erreurs, mais j'ai appris finalement que c'était infini, en fait, ce mal-être. Et moi, j'espère, enfin, j'aimerais bien que ça continue jusqu'à... 75, peut-être. Et puis Frédéric retient très bien les titres. Voilà. Oui, je referai un blockbuster pour 72 et je serais ravi de le faire. Mais il y a aussi ce rapport très particulier qu'elle entretient avec sa communauté de fans et qui sont effectivement hyper vigilants sur tout ce qui peut se passer dans sa vie, mais aussi physiquement. C'est-à-dire que j'ai vu beaucoup de réactions qui m'ont surprise quand elle apparue en photo beaucoup plus maigre, t'as plein de gens qui ont dit non, pourquoi elle a fait ça Et il y avait aussi une forme de représentation de monsieur et madame tout le monde qui avait l'air de plaire énormément à des fans et qui se disent un peu déçus que finalement, alors qu'on sait pas pourquoi. Les tabloïds anglais ont même titré, mais quel régime a fait Adèle pour devenir aussi mince, etc. C'est vraiment, enfin, si on pouvait deux minutes arrêter de parler du corps des femmes, mais et de ce qu'elles font d'autant qu'en plus, on le sait, c'est ce qu'on disait, j'en parlais en préparant l'émission, on ne sait absolument pas les raisons sous-jacentes à tout et ça nous regarde pas. Elle a plus ou moins expliqué. Elle a expliqué qu'elle cherchait pas à perdre... Non, faut pas le dire, je suis en train de dire que ça ne regarde pas. Sinon, on va faire exactement... Alors, je vais nuancer. Non, elle a expliqué qu'en fait, après le succès incroyable de 25 et la tournée qui a suivi, elle a terminé avec 4 concerts à Wembley. C'était l'apothéose de cette période-là. Elle a eu un problème de voix et elle a dû annuler 2 concerts à Wembley, ce qui fait environ 200 000 spectateurs quand même. Et elle est partie dans une grande dépression, forcément. Et Un nouvel album. Voilà. Et en fait, elle s'est rendue compte qu'elle avait besoin de, comme elle le dit, de se muscler, de muscler sa voix, de muscler aussi son mental. Et elle s'est trouvée un coach. Et en fait, elle s'est rendue compte que tous ses problèmes d'anxiété disparaissaient quand elle faisait du sport. Voilà. Et là-dessus, elle s'est plongée là-dedans. Et elle explique qu'elle ne cherchait pas à perdre du poids. Elle cherchait juste à, elle le dit, à gagner en strongness, en assurance, force, quoi, en assurance. Mmh. Et le changement physique a suivi. Mais ce n'était pas une quête en soi. Voilà. Donc il n'y a pas eu de régime... Là, on parle vraiment de son évolution personnelle, mais on va repartir un petit peu en arrière. Pour 21, quand elle est allée travailler aux États-Unis, il y a eu des influences américaines qui sont arrivées. Il y avait des accents country dans sa musique. Est-ce que pour les albums qui ont suivi, elle a aussi été dans une forme de digestion d'autres influences? Est-ce qu'il y a d'autres artistes avec lesquels elle a pu essayer de travailler et ça n'a pas eu lieu? Je pense que c'est une éponge de toute façon, donc à chaque fois qu'il y a une nouvelle tendance, elle l'examine, elle l'absorbe, elle a un côté entomologiste comme ça, et puis ensuite elle le restitue d'une manière ou d'une autre, quoi. Pour son premier album, elle avait travaillé avec Mick Ronson, enfin, qui avait Marc. Lui-même, Marc, pardon, qui avait travaillé avec Bowie, avec plein de gens comme ça. Et donc, en fait, elle sait toujours très, très bien s'entourer. Donc, et puis, je pense qu'elle est très, très vigilante. C'est une vraie pro, quoi, tout simplement. Je vous remercie. Merci Thibaut Carayol, Véronique Chalmet, Romain Burel, pour avoir été avec nous et évoqué la carrière de la chanteuse Adèle. Ce blockbuster s'achève et je tiens à vous rappeler qu'il a été réalisé par Céline Hila. Elle a été préparée par Cyril Marchand et aujourd'hui à la technique, Grégory Wallon. Vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 ou sur Twitter avec le hashtag blockbusterFI. All of my friends, all of my family and Alex, thank you everyone, thank you. Demain, on va parler de quelque chose qui va nous mettre en joie, de quelque chose qui va nous faire penser à autre chose que les crises du pétrole, les conflits, le réchauffement climatique. On parlera de Mad Max. France Inter.